de me poser des questions. Bon. Gérard. Les débats de Gérard. Fun Radio. Et voilà, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Donc on va saluer tous les potzos qui sont sur la route, les chauffeurs de taxi, les infirmières et tout ça, tous ceux qui travaillent de nuit. Bisous à la Lily et bisous à la puce, elle se reconnaîtra du 91. Donc on va saluer au standard Hervé. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Donc bonne fête avec une semaine d'avance malgré que c'était le jour de mon anniversaire. De retard, c'était le jour de ton anniversaire. Ouais, bah on y a pas pensé, excuse-moi. Donc avec un peu de retard, je te souhaite une bonne fête. Bonsoir à Céline qui est au standard aussi pour vous accueillir. Bonsoir Gérard. Donc à l'arrêt à bonsoir Céline, passez une bonne petite semaine, pas trop dure. Non, ça va Gérard, je vais très bien. Bon, ok. À l'AREA, donc, Pedro qui sera là pour nous épauler durant la nuit en espérant que ça se passe très bien, vu que c'est quasiment le dernier débat de la saison. Ouais. Non, le dernier, ça sera, c'est peut-être le dernier débat de la saison, on ne sait pas encore. Donc, voilà. Et sur le www.funradio.fr, donc vous avez Esteban qui est là et qui sera prêt à recueillir toutes vos réactions sur le débat des puceaux et des pucelles. Donc je préviens tout de suite que les questions sur le www.funradio.fr, c'est Esteban qui les dira et je ne veux pas de conneries. Et donc vous pourrez nous appeler toujours au 825 08 5000. Et pour les Belges, Hervé, s'il te plaît, parce que j'ai du mal à le dire, ce numéro. Le 0833 08 5000, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est bien ça, Hervé? Ouais. Donc voilà. Donc. 825. 0825 08 5000, c'est ça? Non. 0825 08 5000. Ah, ok. Pour les Belges. Pour les Français aussi. Bah non, c'est 0033. 0825, oh, bon bref, enfin on reverra ça, alors pour ça on va accueillir Jeanne de Poitiers, 113.4, allô, allô, non, attendez, j'ai demandé Jeanne pour l'instant, je sais pas, moi je m'appelle Jérôme, je suis de Poitiers, bonsoir, ouais, c'est Jérôme. C'est Jérôme, Gérard, tu t'es trompé, tu sais pas. Oh ouais, mais c'est tellement mal écrit, bon, c'est pas grave. Non, mais c'est Jérôme. Ok, bonsoir, Jérôme, 113.4 pour nous écouter, Poitiers, Stanley Lubric. Tout à fait, Stanley Lubric. Donc, de Tourpi. Ouais. Donc, 119.9, hein. Non, c'est Tombouctou, 119.9, bonsoir. Gemouille, 101.9. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors là, par contre, je sais pas qui c'est qui a été m'inventé ça. De quoi? Alors Trevor joue Internet Angleterre. Mr. Cousin. Ah non. Alors là, je ne commence pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Je ne commence pas. Stop! Ah non, je commence pas comme ça. Là, okay. Je ne commence pas comme ça avec celui-là. Bon, arrêtez de chanter. On peut le remettre. Non, ce soir. Ouais, bah, tu l'as, c'était joyeux anniversaire? Oui. Non, mais même. Oh, c'était sympathique. Non. Merci just beaucoup. To wish a happy birthday to Mr. Voilà. Ouais, d'accord. Alors, Hervé. Je l'ai censuré. S'il te plaît, le 4, terminé. C'est même pas la peine qu'il vienne. De la côté, c'est bon. Non, mais là, je préviens tout de suite. C'est pas parce que ça va être. C'est sûrement le dernier débat de la saison. C'était qui? C'était. Trevor joue Internet d'Angleterre, ça, il est hors de question que ça se passe comme ça ce soir. Ok, on l'a zappé. C'est, ce soir, sur quoi ça porte le débat, Gérard? Donc, alors, puceau, pucelle et vierge. Donc, voilà. Ouais. Alors, c'est Max. Je l'ai calmé, c'est bon, hein, t'inquiète pas, parce qu'il avait pas compris. Non, mais... Allô? Allô? Voilà. Bonsoir, Malo. Il est calmé, c'est bon. Ah, cool. T'inquiète, Gérard. Je suis là, je gère. Ok. Hello. Max, hello. How are you? Fine. Trevor joue Internet d'Angleterre. Trevor Jones from D'accord. England and the Internet. Ok, bonsoir. Yeah, bonsoir. Alors, à quoi reconnaît-on une pucelle d'une vierge? On va demander à Trevor, tiens. Une poubelle Oh là, ça va pas être possible de travailler avec ça. Attendez, 5 minutes, question internet. Non, pas question pour, tu m'avais dit tout à l'heure te rappeler si jamais tu oubliais de le faire. Ah ouais, la définition, ouais. Non mais je pense, ouais, mais si j'arrive pas à le faire entier, tu prendras la suite, Esteban. Oui, Esteban, je me suis pas trompé. Bon, alors Trevor, parce que je pense qu'on va pas pouvoir travailler comme ça. La pucelle. À quoi reconnaît-on une pucelle d'une vierge? Yes, oui. Alors le goût du doigt. Mm-hmm. Dans le chat. Non. Hervé, s'il vous plaît. S'il vous plaît, au standard. On va pas pouvoir faire avec lui, c'est pas la peine. En même temps, Gérard, faut donner de la chance aux gens qui appellent. L'Europe. Ah, c'est l'Europe, hein, c'est vrai. Attendez, mais les questions sont pas là. Commencez pas à me chatouiller, là. Parce que t'es pas bilingue, c'est pour ça. Non, mais on va pas commencer à tout mélanger. Donc moi j'ai dit que je vais pas pouvoir travailler comme ça, c'est tout. Mais tu fais comme nous. Basta. On improvise. Alors je mouille. Oui. Ben en fait la différence, elle est essentiellement littéraire. Mm-hmm. Étant donné la similitude profonde entre ces deux termes, si ce n'est en outre la différence qu'il y a, tu vois, à la découverte. Coucher avec une pucelle, c'est pas comme coucher avec une vierge. Mm-hmm. Ça n'a rien à voir. Donc pour toi, ça serait littéralement différent. Donc c'est, pour toi, c'est différent. Littéralement. Voilà. Donc tu peux très bien dire que tu couches avec une pucelle, ouais, qu'avec une vierge. Non, c'est pas la même chose. C'est pas du tout pareil. Non, je vais laisser les autres t'expliquer. Mmh. Ok. D'accord. Stanley. Ouais, Stanley Lubrique. Écoute, déjà ça s'écrit pas pareil. Mmh. Pucelle et vierge, ça s'écrit pas pareil. Bah non, bah ça, je le sais, hein, merci. T'avais remarqué, ouais. Bah oui, ouais, je suis quand même pas encore con à ce point-là. Ah bah non, pas encore. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, la vierge, elle a encore son hymen. Mm-hmm. Alors que la pucelle, elle l'a plus. Et c'est ça qui fait en fait la différence entre la pucelle et la vierge. Mm-hmm. C'est une question d'hymen, quoi. D'accord. Voilà. Jérôme de Poitiers. Ouais, moi je dirais que pucelle et vierge, pour moi, c'est la même chose. Bah, c'est des filles qui ont décidé de rester vierges et mm-hmm. je trouve ça louable. Mmh. De rester vierge jusqu'au mois mariage, je trouve que c'est. Non, mais attends, commence pas à bouffer les questions. Hein. Ah, il y a une question sur les vierges louables. Non, mais on verra ça après, d'accord? Ok, donc c'est ma réponse, GG. Donc, pour toi alors? Donc, pour moi, vierge et pucelle, c'est pareil, quoi. C'est des filles qui ont décidé de garder leur, comme disait l'auditeur précédent, leur hymen, donc qui ont décidé de rester innocentes, quoi, et d'attendre le mariage et. De se dépuceler avec l'homme. Mmh. Merci Pedro. Avec lequel elles pensent faire leur vie, quoi. Ok. Attendez, on va accueillir Boudin Rouge de Montoncule. On va, alors là, la fréquence, ça m'étonnerait qu'elle existe. Qu'est-ce qu'on a écrit? 475-32. Il y a eu erreur, j'ai pas dit ça, c'est 101.15. Ah bon? Ah ouais. Je préfère. Bonsoir, monsieur Boudin. Bonsoir. Salut, tout le monde. 115, combien? 15. 115-15 ? Ça non, existe ? 101-15. Ah, 101-15. Ah, là, ça existe. Hein. Ouais, bah oui. Mmh. Ok, bon, alors pour toi, la question ? Moi, je crois que c'est une question d'âge, la différence. Ah bon, parce que tu crois qu'il y a un âge ? Ouais. Je crois que vierge, c'est à partir de 15, et pucelle, c'est tout ce qu'il y a en dessous. Ouais. Non, je pense pas. Ah bah écoute, Non. Non, moi je pense pas, de toute manière. Alors c'est quoi? C'est la majorité sexuelle, ouais. Donc c'est logique. Ouais, pourquoi? Non, mais même. Non, parce que faut. Plus de vierges que de pucelles, en fait. Ouais. Non, parce qu'il y a un problème qu'il faut bien se dire. Mmh. Là-dessus, moi je pense que. Bon, je vais vous dire un sondage, hein, parce qu'à mon avis, je pense que. Non, mais ta réponse avant, Gérard. Non, mais moi personnellement. Attendez, parce que je demande à Pedro, là, j'ai du mal à avoir du retour dans mon casque. Ça monte le son, peut-être. Maintenant, je suis à fond. Change-le, débranche-le, mets-le à côté, voilà. C'est mieux ? Ah là, ça va un peu mieux. Donc vous m'entendez là, les invités? Ouais, ouais, ah bon, on t'entend bien depuis tout à l'heure, Gérard. Non, parce que j'avais un problème. D'accord. Non, moi j'ai eu un sondage parce que pour moi personnellement, à quoi reconnaît-on une pucelle d'une vierge? Pour moi, on peut pas reconnaître une pucelle d'une vierge. Et moi, on a récupéré un sondage grâce à Esteban sur le site internet. Il y en a même une définition que tu vas lire après. Donc qu'on lira, mais je vous la lirai par la suite, ou sinon, si je le fais maintenant, on va perdre du temps. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui demandent justement la différence entre pucelle et vierge. Alors on va le faire. Alors je crois qu'on l'a trouvé dans le gros Robert, c'est ça? Ouais, je pense ouais, aussi parce que donc alors la vierge non féminin. La vierge est une femme qui a refusé toute relation sexuelle ou charnelle avec une personne du sexe opposé au sein, qui ce soit avant ou après n'avoir jamais couché. Cependant, la vierge ne refuse pas l'idée de pénétration. Exemple, ce matin, je voulais me toucher devant ma télé. Malheureusement, ma cassette était vierge. Alors pour la pucelle, c'est un nom féminin et homme masculin. La pucelle, elle, au contraire de la vierge, n'a jamais couché avec qui que ce soit de toute sa vie et refuse à penser le contraire, à l'inverse de la vierge. Alors exemple, je ne peux pas coucher avec elle, elle est pucelle, c'est ça hein, Esteban? Ouais, c'est ça. Donc, elle est pucelle là, voilà. Deuxième exemple. Donc Jeanne, la pucelle la plus connue. Bon bah ça, on va pas en parler parce que ça va être. Fini, c'est le dernier exemple. Fini, c'est le dernier exemple. Non, mais justement, c'est de là qu'on va en venir aussi. D'où vient le mot pucelle? Donc on va le garder, celui-là, le deuxième. Je peux faire ce que je veux encore. J'ai pas d'ordre de recevoir des auditeurs. Donc voilà. Donc vous avez à peu près compris ce que ça voulait dire. Donc selon les définitions, une pucelle, ce serait une fille qui n'aurait pas de magnétoscope par rapport à la vierge. Donc. Mais disons, c'est une personne bon qui a pas encore eu l'occasion de coucher. Et qui a envie ou pas? Attends, Gégé, quand tu parles de trucs charnels, là, c'est comme un végétarien en fait. Ça mange pas de chair, ça mange pas de viande, c'est ça? Ah ben je sais pas, moi c'est ce qui a été, c'est avec une personne du sexe opposé, hein. On dit bien. Truc charnel à un moment. Oui, ben oui, la Vierge est une femme qui a refusé toute relation sexuelle ou charnelle avec une personne du sexe opposé, c'est-à-dire avec une personne du sexe féminin. Féminin. Ouais, c'est Boudin Rouge, je voulais savoir juste un truc par rapport à charnel, ouais, il y a un truc qui est pas clair, quoi. Mm-hmm. Parce que c'est un grand couturier, je crois, charnel, ça vient foutre quoi là-dedans? Bah justement, je sais pas, mais c'est ça qui est étonnant quand même. Non, mais c'est ce qui m'a été rapporté du site internet. Moi, hein. J'ai des dictionnaires Lafouf là. J'ai cherché cet après-midi et les définitions, ça a rien à voir avec ça. Hein, mais moi j'ai regardé, mais bon, de toute manière, pour moi personnellement, je vois pas à quoi reconnaît-on une personne, une pucelle d'une vierge. Hein. Pour moi personnellement, il y avait aucune définition. Hein. T'en as jamais connu? C'est pareil, t'en verras jamais. Ouais. T'en as déjà connu ou pas, Gérard, toi? Non. Jamais. T'as déjà cassé des hymens, toi, Gérard? Des? Des hymens? Non. Mais t'as déjà couché avec des filles qui avaient jamais couché avant? Ah bah ça, on va y venir là, justement. Non, mais je te pose la question, toi, personnellement, t'as déjà couché avec des filles avec qui t'avais jamais couché, qui avait elle jamais couché avec d'autres mecs avant? Personnellement, non, pas encore. Non, jamais. Pedro, il bouffe les questions là. Non, mais il bouffe pas les questions. Non, parce je les connais pas. Il les connaît pas. Je alors. Connais pas donc. Il y a une question, internet. Une question hypothétique. Si on considère que les morpions dans les poils de couilles sont des petites puces, Gérard, peut-on dire que tu es puceau? Non, pas spécialement. Et puis là, c'est des questions vraiment un peu crades. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Là, c'est... Oui. Est-ce que c'est pareil pour les garçons? Parce que depuis tout à l'heure, on parle des filles. Bah justement, on va y venir petit à petit. Hein. Est-ce que toi, t'as encore ton hymen de l'anus, GG, ou pas, toi? De quoi? L'hymen de l'anus, tu l'as ou pas, toi? Ta rondelle? Bah moi pour l'instant c'est pas. Tu l'as encore toi? Bah moi je suis plus. Moi je suis. Il y a longtemps que je suis plus puceau. Ah t'as plus ton hymen de l'anus? Un coup de pénis un peu alors. Comment? T'as un coup de pénis alors? J'ai déjà donné, merci. Hein. Ah, d'accord, ok. J'ai déjà donné pour ça à certaines nanas. Ah, je te fais confiance alors là. Par contre, ça faudra peut-être que ça cesse aussi parce que sinon ça va mal se terminer. Ça commence à peine. Alors, trouvez-vous normal? Qu'à l'âge de 25 et 26 ans, les garçons, filles, sont encore pucelles ou puceaux. Alors je précise, parce que si, comme tout le monde apparemment écoute Fun et qu'écoute Max la nuit et tout ça, donc c'est des auditeurs et des auditrices qu'avait appelé une fois, et qui avait dit qu'à 28 ans, qu'il n'avait jamais couché avec une nana. Donc voilà le rapport de la question. Bien joué. Il est super le rapport, hein, franchement. Alors, Boudin Rouge. Moi, je dirais c'est un peu chacun qui voit midi à sa porte, tu vois. D'ailleurs, t'en as, bon, bah, ça se passe hyper tôt. Puis t'en as, bah, parce que peut-être ils sont, je sais pas, moi, ils sont très moches, ils sont très cons, ou il y a toujours un truc qui. Non, mais hyper tôt, tu veux dire que quoi à peu près? Bah, hyper tôt, tu vois, vers, je sais pas, moi, 11, 12, 13 piges, ouais. Ouais, mais ça, je pense que. 13, c'est vieux déjà, hein, je trouve. Ouais, mais c'est vrai que j'ai entendu il y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'est hier. C'est pas plus tôt qu'hier. Ah ouais, non, c'était hier. C'est pas plus tôt qu'hier. Je crois que c'est lundi. Aussi, ouais. C'est lundi avec une nana qui a 13 ans, et qui veut faire croire, qui veut sortir avec une de ses copines et tout ça. Mais ça, on en parle. Il y a déjà des brutes minous à cet âge-là. Ben, tu sais, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour aller penser où c'est. Il n'y a pas d'âge. Y aller. Donc, Boulin Rouge. Ouais. Ah, bah, moi, je disais que bon, bah, ça dépendait un peu de chacun, quoi. Qu'il y a peut-être des trucs, soit t'es trop moche, soit t'es trop con, soit il y a un truc qui va pas, qui fait que bon, bah, tu rencontres pas les gens, la bonne personne avec qui ça peut se passer, puis voilà, quoi. Peut-être aussi parce que t'es faucheman, tu peux pas aller aux putes, enfin bon, il y a. Oh non, non, attention. Attends, le nombre de mecs qui sont professionnels. Attention, on va pas parler tout de suite du système des putes, parce que c'est pas. C'est pas dans les questions. Non, mais je comprends, et puis en plus, c'est pas du tout. Ouais, ben d'accord. C'est chiant. Non, mais attendez. Non, parce que là, si on s'en va comme ça, donc dans ces cas-là, on va aller vite, on va même pas faire les questions, on va parler que de ça. Bon, c'est vrai que pour un mec qui a jamais eu l'occasion d'avoir une nana, qui a jamais couché, c'est vrai qu'il va avoir des putes. Ouais. Bah oui. Et la nana, c'est pareil, elle va dans des clubs et changiste. Une question internet, une question internet intéressante, j'espère. Une question de Papose qui espère qu'il va pas t'énerver. Il dit, si je mets des cotons de tige dans le cul, suis-je encore puceau? Je vois pas le rapport avec le rapport de. Ah, si, le rapport, la question est, Gérard, indirectement, c'est est-ce qu'il faut forcément une relation humaine et non pas avec un objet pour être considéré un puceau? Ben non, il y a pas besoin d'avoir des objets pour être puceau ou pucelle. Hein. Moi, je pense pas, non. D'accord. Non, pas du tout. D'accord. Donc voilà. Voilà pour sa question. Je mouille pour continuer. Je mouille. Merci, Pedro. Oui, excuse-moi, je me souviens plus de ta question. Ah oui, 25-26 ans. Voilà. Ça peut être parce qu'ils sont moches et cons, comme l'a dit Boudin avant. Mais ça peut aussi venir du fait qu'ils ont choisi de pas se dépuceler avant le mariage. Mais commence pas à prendre les questions du mariage. Ouais. J'ai dit qu'on allait en venir. Je t'explique pourquoi ils sont encore vierges à ce moment-là. Oui, non, mais dans ces cas-là, on va parler de religion aussi. Voilà. Tant qu'on y est. La guerre en Afghanistan, tout ça. Oh, c'est bon, là, attention, hein. Bah, attends, je réponds à ta question. Non, mais c'est pas toi que. Oh. Oh. Je mouille, là. C'est pas à toi que je m'adressais, déjà, pour commencer. C'est aux autres. Commencez pas à parler de n'importe quoi, d'accord? Non, mais c'est pas à toi que je m'adresse, je mouille. Je viens de te dire, punaise, mais t'es borné ou quoi, alors, toi? Dis les noms avant de parler, parce que nous, on sait pas toujours. Hein. C'est au mec que je parle. Parce qu'il y en a qui parlaient du truc de l'Afghanistan, donc on n'en est pas là. Ok, c'est bon, Jérôme, et tout ça, d'accord? Jérôme, je pourrais répondre. Merci. Attends, laisse finir, je mouille, après on continue. Okay. Eh bien, j'avais presque fini, je te dis, religieusement, il y en a qui n'ont pas le droit, ou qui choisissent de ne pas se dépuceler avant le mariage, quoi. Mm-hmm. Voilà, pour se consacrer à une seule personne. Moi, personnellement, je trouve ça con, mais bon, voilà, quoi. D'accord. Faut tester les choses avant de savoir lequel est le mieux, quoi. Mm-hmm. Stanley Lebric. Ouais, bah écoute, moi je vais te parler de mariage, mais je pense qu'il y a aussi des gens qui se réservent pour la nuit de noces, ce qui n'est pas pareil. Mmh. Donc il faut quand même prendre ça en compte. Maintenant, ouais, 26 ans, ça fait tard. Il n'y a, y a pas d'âge pour en manger, hein, à mon avis. Hein. Non, mais de toute manière. Bah attends, Stanley. Ouais. Mais il faut bien dire une chose, que le mec qui avait appelé, puis la nana, elles avaient quand même 28 balais. Hein. Bah attends, 28, un 28 et l'autre 26, hein, si attends, je me souviens 28, bien. Attends, 28 balais, c'est plus des glaouis, c'est des sacs à dos que tu te ramasses. Ah bah ça, de toute manière, Max avait posé la question, est-ce qu'il faisait la poignée, et il a répondu oui. Hein. Ouais, c'est clair. Comme toi, enfin. Non, personnellement, moi je le fais pas. Alors c'est bon, Stanley, d'accord. Jérôme. J'arrive. C'est vrai qu'il y a des chiens au foyer. Ouais. Attends, Jérôme. Ouais, vas-y, Stanley. Attendez. Hop là, on va les mettre en attente. Qu'est-ce qu'il y a, Stanley? Qu'est-ce non, s'est non, tu me laisses Stanley à l'antenne. À l'antenne. Ouais. Et Stanley. Oui. Je te préviens, tu viens de dire un truc. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu viens de parler du foyer. Alors, un petit conseil que je te donne. Ouais. Tu restes poli. Il a parlé des femmes au foyer, attends. Voilà. Ouais, non mais. Ok. Parler des femmes au foyer, celles qui travaillent pas. Tu attention. Vois. Merci mon Pedro. Ah ouais. Il y a pas de merci mon Pedro parce que tout à l'heure tu as gerbé vite fait toi. Ok. Tranquille pépère. Alors je vous préviens pour l'instant tout se passe bien. Ouais. Il est une heure. Donc je veux que ça continue. C'est vrai que c'est bien. Moi je voudrais juste faire une intervention par rapport à Molls sur l'internet. Je refuse de poser ces questions juste pour que ce soit clair. Du genre est-ce que Gérard parce que c'est un sot qui pue peut-on dire qu'il est puceau? Ou depuis que Gérard s'est fait enlever son kyste, est-ce qu'on peut dire qu'il a été dépustulé? C'est hors de question que je passe ce genre de questions. Ah non, mais ça, de manière, c'est bien clair et net. Il n'y a pas la place dans cette émission pour des jeux de mots de peau aussi. Exactement. Non, mais là, il n'y a même pas question de poser des questions. On peut savoir le chiffre internet quand même à 1h du matin? Exactement. Le chiffre. On est combien? Ah, pardon. On est 6196. Wow. Eh ben, tu es chiant. Oh là là, c'est pas mal. C'est un bon début. Pourquoi que c'est un bon début? Parce que je m'énerve pas et que tout se passe bien pour l'instant. Mais t'inquiète, ça va venir. Voilà. Non, il n'y a pas que ça va venir, c'est tout. Jérôme, pour terminer. Bah, moi, je dirais, pour répondre à ta question, que chacun fait ce qu'il veut. Hein. S'ils ont envie de rester vierge à 25, 26 ans, bah, chacun voit midi à sa porte, c'est clair. Mmh. Moi, je vais prendre mon cas personnel. Bon, moi, je me suis dépucelé à 17 ans. Mmh. Donc, franchement, j'étais pas un foudre de guerre à 17 ans. Donc, tu vois, j'ai joué au bout de 5 minutes. Ça n'a pas changé. Hein, ouais. Ensuite, j'ai payé la fille, je me suis barré, quoi. Mais ça suffit derrière, là! Il se fait tripoter par Céline, c'est pour ça. Okay. Punaise, j'aime pas ça en plus. Hein. Gérard, à quel âge tu t'es fait dépuceler, toi? Moi, j'ai commencé à sortir avec des nanas, j'avais 12 ans. Et à quel âge t'as perdu ta virginité? 14 ans. D'accord, donc t'as été dépucelé à 12 ans et t'as perdu ta virginité à 14 ans. Non, ma virginité, j'étais dépucelé, je suis plus puceau depuis l'âge de 12 ans, voilà. Et t'as... Quoi, bah attends Céline, on va te poser je vais te renvoyer la balle dans peu de temps, oui. Donc t'as été dépucelé à 12 ans, c'est ça? Voilà. Et t'as perdu ta virginité à 14 ans. Moi, 14-15 ans à peu près. D'accord, ok, très bien. Alors maintenant Céline, comme t'as voulu l'ouvrir, à toi. Moi? Oui, toi. Moi, merci pour le Larsen. Je suis désolée. Moi, j'ai perdu ma virginité à, je sais pas. Merci pour le Larsen. Mets ton casque. On va gagner du temps. Et voilà. Et puis, j'ai été dépucelée à 16 ans. Ouais. D'accord. Ok, on a tout compris. Donc, voilà. Donc, vous avez les réponses à tout. Voilà. On va peut-être passer un disque. On va faire un petit sondage. Ah oui, un sondage, d'accord. À quel âge moyen du dépucelage? Qu'est-ce que c'est que... Quel est l'âge moyen du dépucelage? Quel est l'âge moyen du dépucelage? Alors, il y a 90% qui disent aux alentours de la quinzaine, donc à peu près la quinzaine d'années. Donc 70% à l'âge de 8 ans, mais 8 ans pour moi c'est un peu trop jeune. Moi, tu me diras, c'est vrai qu'à 8 ans, il y en a qui commencent à jouer au médecin, au docteur et tout ça. Bah oui, 50% après la ménopause. Comme toi. Ouais. Voilà, merci, je mouille de dire des conneries. 30% avant les menstruation et 10% peu après 18 ans. Bah, c'est vrai que peu après 18 ans, de toute manière, on revient à peu près dans l'âge qu'on était. Hein. Okay. Alors, peut-on trouver des revues sur les puceaux ou pucelles? Et on va s'écouter les Gloubi Glou-A de Vierge Pucelle. Et on se retrouve tout de suite après au 0825-08-5000. Tout de suite. Ce soir, les débats de Gérard. Oh, celui qui a sa musique. Celui qui a sa musique derrière, arrête. L'émission la plus trash de la bande FM sur Fun Radio. Et voilà, donc toujours la suite du débat sur les puceaux, les pucelles. Et on vient de s'écouter les Glou Big Louga de Vierge Pucelle. Ouais, c'est bien. Vierge Pucelle, voilà, donc c'est bien ça. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0825 08 5000 et pour les Belges 033 0825 08 5000 et sur le net www.funradio.fr. Donc Hervé toujours sur le site Esteban sur le site internet. Donc on est à 8999 et j'espère que ce soir on va faire péter le net, hein. Donc voilà, donc pour ça on va récupérer Jérôme, toujours là. Oui, toujours là. Stanley. Oui. Je mouille. Toujours. Boudin rouge. Ouais. Et donc donc la question c'est, peut-on trouver des revues sur les puceaux ou pucelles et vierges, Jérôme. Bien sûr. Oui, Jérôme. Bah moi j'étais avant de me faire des pucelés, j'étais abonné au magazine Ocapine. Non mais c'est pas la peine de préciser les. D'accord. Les magazines. Franchement, ça a disparu des kiosques, quoi. Tu vois, c'était une revue de branleurs. Franchement, ça a complètement giclé des kiosques. Et ouais, ça m'a appris certaines choses. Oui, comment draguer les filles, comment faire en sorte que la relation sexuelle se passe bien, avec tendresse, avec délicatesse. Et franchement, ouais, ça m'a aidé, ouais. Mmh. Ok. Stanley. Ouais, bah écoute, moi, effectivement, je suis abonné à quelques revues spécialisées. Il faut savoir qu'effectivement on trouve ce genre de truc dans les kiosques, mais c'est quand même pour les initiés, hein. c'est pas accessible à tout le monde quand même. Par exemple, toi, si tu te pointes comme ça, tu vois, avec la gueule enfarinée, ils te serviront pas, quoi, tu vois. Non, mais c'est pas parce que moi, de toute manière, je répondrai tout à l'heure, mais ça m'énerve, c'est l'arzane, je sais pas ce qui se passe. C'est ta prothèse qui fait mal. Non, un petit peu, attends. Non, on doit avoir quelque chose. Non, mais ton casque est trop fort, je crois, Gérard, et quand tu t'approches du micro, voilà, ça va être un peu mieux. C'est un courant d'air avec lui. Ah non, mais après, j'ai plus. J'ai mal. Après, t'es sûr. D'accord. Je mouille. On va parler plus fort. Je mouille. Oui, bah écoute, je sais pas s'il y a des magazines, mais je sais qu'il y a des films. Et il y a des films où il y a des nanas et des mecs qui sont dépucelés devant la caméra, ouais. Ouais, mais ça, c'est style les cassettes X et puis les films porno. C'est pas X parce que c'est des puceaux et des pucelles, donc. Ouais, non, mais tu vas pas mettre ça. Bon, attends. Ah bah oui. Non mais vous avez, faut quand même, faut attends, je vais répondre après. Non mais je vais te répondre, je mouille, t'inquiète pas. Boudin rouge pour finir. Moi j'ai un pote qui vend des journaux et il me dit effectivement que ouais ça existe et que d'ailleurs les clients ils sont assez bizarres ceux qui viennent, quoi, puisqu'ils sont tu vois genre super discrets et tu les repères parce qu'ils ont plein d'acné, qui transpirent vachement et qui dégagent un certain côté, une certaine matière un peu odorante, quoi, tu vois. Un peu les phéromones de branleur, ouais, c'est clair. Ouais. Et que en plus quand ils ont leurs journaux, ils demandent à avoir, tu sais, une grande enveloppe, tu vois, les enveloppes marron. Kraft. Ouais, Kraft. Comme ça ils mettent dedans et puis ils se barrent super discretos, quoi. Et Boudin rouge. Ouais. Je vais te dire une chose, que ce que tu viens de dire, tu fais allusion à moi, d'accord? Il a dit quoi? J'ai bien entendu ce que tu viens de dire, mais t'inquiète pas. Il a dit c'est un avertissement oral que je te donne. Qu'est-ce qu'il a dit? Attends, qu'est-ce que j'ai dit? Je comprends pas. Non, mais. Tu vends des journaux? Non. Oh, l'histoire des kystes et tout ça, j'ai très bien compris ce que t'as voulu dire, d'accord? C'est un truc qui te Ne me prends pas pour un con, ok? J'ai pas l'intention. Bah attends, j'ai dit quoi? Bah vas-y, dis-moi ce que j'ai dit alors. Non, mais c'est bon, j'ai compris. C'est bon. Attendez. Terminé. Gérard, il a dit quoi pour que les autres le répètent pas? Il a parlé de quoi? Non, parce qu'il a fait allusion au kyste que j'avais, tout ça. T'avais un kyste avant. Ouais, ce que j'avais dans le cou, donc c'est pour d'accord. Ça. Donc, c'était gros assez, oui. Ah, d'accord. Donc. Même pas que t'en avais un, comment j'aurais pu savoir? Ouais, c'est ça. Bah attends, ça va pas ou quoi? Ouais. Je te jure, arrête d'être carano, Gérard. Tu faisais la pub pour le bœuf, c'est tout. T'étais vendeur chez Chara, là. Je vous préviens, ça alors balance, je cherche pas au hasard Stanley. Voilà, ça commence. Alors là, moi, je préviens. J'ai une question de supputation qui dit, est-ce que c'est parce qu'on lui a enlevé le noyau du cul qu'on appelle ça de l'huile d'olive vierge? Non, alors là je vois non. C'est très poétique, hein. Développe un peu, Gérard. Non, personnellement, non, je vois pas du tout le rapport avec la question que je pose, hein. Bah, tu sais, les olives des noyaux. Ouais, mais de toute manière, je vois pas du tout le rapport avec la question, hein. Je demande s'il y a des revues peut-on trouver des revues sur les puces ou pucelles. Je vois pas le rapport avec. Et Gérard, pourquoi est-ce que tu demandes une question pareille? Tu t'en cherches, toi, des revues? Non, personnellement, ah bon? Non. Ah bon, ok, d'accord. Mais ça existe, hein, tout ce qui est magazine pour ados. Ouais, non, mais je sais, merci. De manière, ce que je reproche à certains marchands de journaux. Il n'y a pas assez de puceaux à poil? Non, mais c'est pas ça. C'est que les marchands de journaux, il y a des trucs qui sont sous cellophane et d'autres qui sont comme ça et que les jeunes puissent acheter à n'importe quel âge. Gérard, ils sont sous quoi? Sous cellophane, donc cette année. D'accord. Ouais, d'accord. On a c'est pour obliger les gens à acheter puis les regarder. Oui, mais même les parents dans ce cas-là, ils ont qu'à faire attention. Ils ont qu'à les acheter eux-mêmes, les parents. Gamins. Ouais, mais ils ont qu'à les planquer. Voilà, c'est tout. Tu trouves ça normal que ces revues elles soient plastiquées, Gélé? C'est normal pour pas que les jeunes puissent les avoir facilement. Hein. Ouais, mais bon, s'ils sautent en même temps, tu vois, elles sont minées ces revues. Hein. Ouais, mais bon, elles sont mini, mais t'as quand même des jeunes qui achètent ça ou des cassettes vidéo. Hein. Ouais, mais ils claquent tout leur argent de poche dans des revues comme ça. Moi, personnellement, je sais que la question que Pedro va me poser, est-ce que moi j'en achète? Non. Voilà, la question, c'est tout. Justement, j'allais te demander si tu les empruntais. Hein, et à qui Non. Non, pas du tout. Tu les empruntes pas? Non. T'en as pas chez toi? Non. Ah bon, d'accord. Robert Hobson de 118.8. Bonsoir, c'est Robert Hobson, j'appelle de War des Z. Salut Robert. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc tu veux répondre à la question? Sur les magazines, les revues, c'est ça? Oui. Je consomme un petit peu, je suis abonné à Libération. Mm-hmm. Donc effectivement, il y a tout un business qui s'est fait autour de la pucelle, hein, quand même, il faut... Mm-hmm. On est conscient, donc effectivement, ouais, on consomme du magazine de temps en temps, quoi, pour le fun. Mmh. Pour le plaisir. D'accord. Approche pas trop tes dents du micro, c'est ça qui fait l'arsac, je crois. Non, c'est ton pivot, en tungstène qui... Ouais, non, arrête tes beaux bêtises, parce que ça se passe bien. Combien qu'on est là sur le site internet, un petit peu, là? Wow, j'ai pas vu. On a passé la barre des 10 000, on est à 10 555. Oh, chaud. Bravo. Ça cartonne, là. Oh là là. Et surtout que c'est sûrement le dernier débat de la saison. Elle te le fout dans le cul. Ah, attends. C'est sûrement le dernier débat de la saison, alors donc... Alors justement, pour que ça se passe bien, j'aimerais éviter le genre de question de papose qui dit, est-ce que si on se masturbe avec un objet en plastique type rotule en acajou de Gérard, est-ce qu'on peut être considéré comme dépucelé? Alors ça, je refuse de poser ce genre de question. Et il y a des poules qui peuvent témoigner, attention. Ils jouaient pas. Donc, question. Robert, oui, t'as pas répondu, toi? Si, ça y est, c'est fait. Ah, c'est fait? Oui. Bon, alors... Et puis, il faut éviter aussi les questions genre, est-ce qu'on peut se vider les couilles dans la lustre anti-tan de GG aussi? Il faudrait éviter ça. Jérôme, au revoir. J'ai l'internet, c'est pour ça. Au revoir. Au revoir, Jérôme. Attends, on va le gérer en antenne. Hop là, 2 secondes. C'est bon? Non, mais c'est bon, on y a dit au revoir, comme ça ira plus vite. Hein. Ah, mais il suffit pas de dire au revoir, il faut aussi le récupérer, Gérard. Non, mais c'est bon, on a Je Mouille, Boudin Rouge et Robert, donc on c'est va... C'est qui la première? Je Mouille. D'accord. Ok. C'est qui, c'est Pépé? Donc, à quel âge, à votre avis, une fille perd sa virginité? On va demander à Robert. Quel âge? Je sais pas, son 5e anniversaire, je dirais, comme ça. À quel âge? À quel âge? Son 12e anniversaire. Il est con ou quoi, lui? Non, mais réfléchis, il y en a qui sont nés le 29 février, ils fêtent leur anniversaire une fois tous les 4 ans. Voilà. Ouais, non, mais. Donc, 12e, ça compte si. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, à quel âge, entre la 12e et la 20e année, alors? Ouais, bon, d'accord. Donc, toi, t'es. Un jeudi, par exemple. Ouais, c'est ça. À 18h30. Ouais, bien sûr. Alors, tu fais ça avant de manger, avant de passer à la table. Ouais, non, mais c'est bon, on va. Quand tu te vides les couilles, ça ouvre l'appétit, hein. Ouais, non, mais on va pas faire des recettes, hein, d'accord? Merci, Boudin Rouge. Moi, j'ai juste une. Attends, Boudin Rouge, oui. Question de Bubu. Je mouille, Question de Bubu qui, je pense, s'est complètement trompé de débat. Il dit, est-ce que Gérard s'est fait dépuceler l'anus quand il a glissé sur sa plaque de verglas? Je voulais dire. Non. C'est pas un sujet sur la neige. Voilà. Donc ça n'a aucun intérêt. Voilà. Merci de t'être connecté. Ouais, mais je crois qu'il s'est trompé de débat, Bubu. Parce que là, ici, on parle que de l'anus de Gérard. On parle pas de la neige et du verglas. Waouh. Et Robert? Ouais, là, c'est pas moi, attention. Non, fais gaffe à ce que tu dis quand même, d'accord? T'as dérapé, là. Merci! GG, puisque tu parlais de cuisine, tu connaîtrais pas une recette au sperme, un truc comme ça, un petit truc bien dégueu? Je mouille, tu réponds à la question parce que j'ai quelque chose à dire juste après. Non, non, mais c'est autre chose, c'est une question que j'ai. On va te bouffer l'oignon, toi. Non, mais je mouille. Oui, je dirais 15-25. Tu reviens sur la question 2, donc 25-26. C'est trop facile. Je reviens un peu sur Robert. Ouais, ouais. Ah, ouais. Okay. Non, mais moi je pense que ça dépend. J'ai pas répondu, moi. Hop, qui ah, bah, Boudin Rouge. Bah si, je t'ai demandé. Bah non, mais tu m'as pas laissé le temps non plus. Danza, merci. Est-ce que tu nous rejoins? Et ça te fait rire en plus. Non, non, non, non, parce que y a Céline qui essaye de... Tu te moques de moi, quoi. De toucher le prépu, là. Ouais, ouais, fais gaffe à ce que tu dis. Alors, Boudin Rouge, c'est ouais. Même pas la peine que tu répondes, je te dis au revoir. Bah, pourquoi? Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Comme ça va plus vite. Allez, hop. Ça va plus vite avec moi, là. Alors, on accueille... Allez, où l'ami? Bitdouf. Oui, c'est Bitdouf. J'appelle de Gicle-sur-Evette, dans le Kosovo. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, bon l'équipe. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Bitdouf. Ah, tu réponds à la question? Ah, je l'ai pas entendu, j'étais avec Céline, là. Les revues, là. À quel âge, à votre avis, une fille perd sa virginité? Alors, une fille, à mon avis, comme elles sont très sérieuses et qu'elles donnent pas leur virginité à n'importe qui, moi je dirais, je ferais une moyenne comme ça, je dirais 20 ans, 21 ans par là. Pas plus tôt, quoi. Parce qu'elles donnent pas leur virginité comme ça, hein, faut pas croire. Hein. Ah, mais GG, tu. La première relation sexuelle, c'est avec un mec qu'elle kiffe. Donc moi je suis dispo si jamais il y a des vierges qui nous écoutent. Mmh. Ouais, non, mais de manière. C'est bête parce qu'on a pas beaucoup de nanas. Non, mais moi, Bite de ouf, il m'intéresse. Bite de ouf, tu m'intéresses. Ah oui, mais moi, je recherche des filles. Hein. Ah, mais je pense que j'appelle. Ça peut s'arranger, ouais. Non, mais dans ce cas-là, si vous voulez passer des petites annonces, c'est juste après mon débat avec Evan. J'appellerai Evan. Ouais. 4 L aussi, si non, mais c'est bon. Oh, c'est bon. Les annonces, c'est avec Evan. Ça m'intéresse. Juste avec un mec au bout. Avec. Ouais. Ah, on accueille un nouvel auditeur, il me semble. Allô, monsieur. Monsieur Mazur. Non. Allô. J'avais dit non. Oui. Bonsoir, monsieur Mazur. Bonsoir, monsieur Mazur. Non, voilà, je crois que. Bonsoir, monsieur Gérard, mes respects. Bonsoir, monsieur Mazur. Comment allez-vous, monsieur Gérard? Merci, ça va très bien. Eh bien, j'en suis fort. J'espère que vous maîtrisez en vierge, monsieur Mazur. Ah, tout ouais. À fait. Écoutez, oui, absolument. Ah, ça va être bien, là. Bonsoir, monsieur Mazur. Bah, vas-y, Gérard. Alors, monsieur Mazur, la question. Oui, alors, pourriez-vous la répéter, n'est-ce pas? J'étais au standard avec mademoiselle. Non, mais je veux pas faire que ça de répéter les questions. Écoutez, vous m'obligeriez en la répétant. J'étais au standard avec mademoiselle Cécile, Céline. À quel âge, à votre avis, une fille perd sa virginité? C'est la dernière fois que je réponds à la question. Oui, bien entendu. Alors donc, je vous répondrai. Eh bien, écoutez, tout dépend de la personne, n'est-ce pas? A-t-elle trouvé le bon mâle qui lui fera sauter son hymen d'un coup de vie magique? Tout dépend, monsieur Gérard, voyez-vous. Il y a des personnes qui peuvent la perdre aux alentours de 7-8 ans, comme aux alentours de 11-12 ans, mais pas plus tard. Parce qu'après, médicalement, bien entendu, cela se referme. Mais toi, Gégé, tu l'aurais pas perdu autour du bois par hasard, ta virginité? Non, pas du tout, merci. D'accord. Oh, quand vous posez quand vous voulez répondre, vous donnez votre nom. Ok, c'était Rodrigo. Ouais, Rodrigo, il n'y a pas de Rodrigo sur ma liste. Question de monsieur Cousin, c'est la ligne belge. Comment ça s'est passé, toi, la première fois? Ouais. Ah, mais moi, la première fois, je peux pas trop pouvoir le dire parce que c'est quand même un truc assez personnel et. Ah, bah, vas-y, balance. Non, mais c'est des trucs qui sont. C'est quand même des trucs qui sont assez perso. Ça s'est passé dans un centre où j'étais placé, donc c'est tout. Voilà, stop. Hop, stop. Ah, mais Gérard, on veut stop, juste parler. Stop. Non. Je te disais, je voulais juste savoir si c'était bien passé ou pas, parce que les premières fois, ça se passe pas forcément bien. Non, mais ça dépend. Ça peut très bien se passer la première fois, comme ça peut pas. Oui, ça monsieur peut Gérard, passer. Monsieur Non, mais c'est bon, monsieur Mazur. Non. Qu'est-ce qui se passe, Gérard? Qu'est-ce qu'il y a? Non, monsieur Mazur, c'est même plus la peine. Allez, hop, bonne nuit. Merci, monsieur Mazur. Non, c'est terminé, je vais pas me prendre la tête avec Gérard, ça. Arrête de crier deux secondes. Monsieur Azur, il faut arrêter d'aborder ce thème qui a priori est très douloureux pour notre ami Gérard. Veuillez me pardonner. Donc on va changer de sujet, Gérard, on va revenir sur la question qui avoir était... Un mongolien de toi. Voilà. Robert, au revoir. Au revoir. Alors là, je préviens tout de suite, c'est la dernière fois que j'entends ça. Alors moi justement, si je pouvais te calmer, parce que moi je reçois par exemple Papose ou Thor qui sur internet disent des trucs du genre « Gérard, c'est un alcoolique puceau de la tête, est-ce que t'as mal au pivot quand tu suces ?» où tu t'enfonces sans arrêt des cotons de tige dans le cul. Je veux dire, au bout de deux secondes, ça va, deux minutes, foutez-lui la paix et recentrez-vous sur le débat. Merci. Voilà, c'est terminé. Tu fais bien de leur dire, parce que sinon, le débat, il va être clos voilà, dans moins ça. De 10 minutes. Il ne faut pas parler de ça. Comment ? C'est pas un débat sur l'anus à GG, c'est un débat sur les puceaux, sur les vierges, donc il faudrait recentrer le débat, non ? Non, mais Bitdouf, tu te calmes, d'accord ? Ouais, ouais, ouais. Merci. Donc, voilà, donc la question, tout le monde, on a fait tous le tour. T'as répondu, toi ? Bah, bien sûr, j'ai répondu. On a fait le tour du pourtour, là. Mais non, t'as pas répondu. Bah, je viens de le dire. T'as dit quel âge, toi, à peu près ? Mais je te l'ai dit tout à l'heure, on en a parlé, je t'ai dit 12-13 ans. 12-13 ans pour toi ? Voilà. D'accord. Et toi, t'avais quel âge ? Bah, oh, punaise, bah, hey, débouche-toi les oreilles, toi, ma grande. Ah, mais je croyais que tu parlais en général. À toi, c'était 13 ans. 12 ans le dépucelage et 14 ans la virginité, c'est ça ? Voilà. Ah, je sais, franchement, ça s'est passé comment, honnêtement ? Ça s'est bien passé ? Elle était consentante ? Tu lui as fait des trucs de ouf ? Comment mais je l'ai dit tout à l'heure que ça s'était bien passé, c'est tout. Ouais, mais ça y est, mais c'est bon, on va pas s'éterniser sur ma vie privée. Mais niveau, non, mais de toute manière, j'ai toujours dit que ma vie privée et ma vie privée. Et ma vie professionnelle ne regardait personne. Il ne faut pas confondre. Si, il ne faut pas confondre la vie privée et la vie professionnelle. J'en ai assez parlé. Tu as 30 ans, tu t'en fous. Mais même, c'est pas la raison, c'est tout. Voilà, terminé. Mais au niveau, fouillance, t'as tenu le coup. Attendez, vous êtes en train de vous parler dessus, là. Alors, vas-y. Je t'en prie. Non, je mouille. Parle-nous de la fille, parle-nous pas de ta vie. Avec poésie, tu vois, t'es pas obligé de... Ouais, genre, ouais, attends, j'ai mal entendu, là. Si tu l'as prise dans le vrai... Non, pas toi, c'est pas toi, je mouille. Attends, je demande à Bitdouf. Non, mais je voulais savoir comment ça s'est passé, si t'as bien tenu le coup, niveau jouissance, qu'est-ce que tu lui as fait. Non, mais t'as dit un truc qui m'a... Non, il t'a demandé les positions que t'avais fait. Non, c'est je mouille. Ouais. C'est pas du tout pareil, parce que j'ai cru entendre un mot que... Bon, écoute, Gérard, on l'a pas entendu, c'est pas grave. Alors, quelles étaient les positions que t'avais fait ? Alors, tu t'y es pris comment, ouais ? Bah, ça s'est passé normalement. Dans le noir ? C'était dans le noir ou s'il y avait de la lumière ? Non, dans le noir. Ah, c'était dans le noir ? Non, forcément, c'était forcément dans le noir. Oui, Hervé ? Oui, on nous a posé une question au téléphone. Quand tu as fait l'amour pour la première fois, tu étais vierge ou tu étais puceau avant ? Puceau, et j'ai dit que je ne prenais aucune question au standard. D'accord. Merci. Par contre, moi j'ai une question intéressante. Une fille a niqué à 10h au Japon, est-ce qu'à cause du décalage horaire et qu'en France il est 5h du mat, elle est considérée comme pucelle en France, non, alors qu'il n'est pas encore 10h ? Non. Bah non, vu qu'elle s'est fait dépuceler au Japon, donc en fin de compte, elle va revenir. Il est pas 10h en France, il est 5h. Mais d'accord, mais même la réponse, elle est claire. C'est que vu qu'elle s'est fait dépuceler au Japon, donc elle revient en France, elle est plus vierge. Ouais, mais je veux dire, il est 5h en France. Mmh. Donc elle va se faire dépuceler dans 5h par rapport au Japon. Donc elle est encore pucelle. Donc si elle peut être pucelle deux fois. Si elle se dépêche, elle arrive en France et hop. Si on veut à la rigueur, oui. Explique-toi, Pedro, je sais pas ce que. Non, on comprend pas très bien ce que tu veux dire là, Gérard. Non, mais moi je comprends pas tellement la question non plus. Dis-le carrément. Je comprends pas du tout sa question. Essaie pas de répondre à côté alors. Gérard, tu penses que c'est plus facile de dépuceler une japonaise ou une française ? Parce que les françaises, je trouve qu'elles sont un peu plus débridées que les japonaises. Qu'est-ce que t'en penses ? Non, je suis pas. Alors là, je vais te dire une chose. Ça vaut les grosses têtes. Hein. Non, mais ça, je peux te dire une chose, que les Françaises, elles sont encore plus dures que les Japonaises ou que n'importe qui. D'accord. Ça a plus de chances avec une Japonaise. Non, mais les Françaises, pour vous dire une chose, que vous, pour essayer de coucher avec vous, c'est très dur. Bitdouf. Bitdouf. La bite dans ton cul, c'est toi qui vas t'apprendre. Au revoir. Au revoir. Allez hop. Déjà, j'avais dit que pourtant, je voulais que ça se passe très bien. Il est 1h23. On est combien sur le site internet, Esteban, s'il te plaît ? On est à 15 576. Et pareil, je répète, Mikoudou qui demande à Gérard, est-ce qu'on peut dire que GG s'est fait dépuceler comme une truie dans les chiottes de la loco ? Merci, ce genre de questions, non, on n'en veut pas. Voilà, donc, elles ne passeront pas à l'antenne. Mais même, tu les passes, mais je ne répondrai pas du tout à cette question. La question, donc on a Marcelo Mastroianni. Non, Marcelo Mastrolanu. Mastrolanu, donc de Sarah Grosin, 117.7. Voilà, Sarah Gros. On a toujours Je Mouille. Je mouille toujours, oui. Et Monsieur Mazur? Oui, c'est Monsieur Mazur. Merci. Alors, d'où vient le mot pucelle et puceau? Ça vient des puces. Ouais, je mouille. Ça vient des puces, en fait. Non, mais attends, tu peux préciser? Je sais pas, moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. Après, je vois pas trop le rapport, t'as raison, mais ça vient des puces. Bah non, mais pour toi, ça vient des puces. Comme quand t'enlèves l'hymen, c'est comme si t'enlevais une puce. Mm-hmm. C'est une puce comme une puce de carte, quoi. Une puce tue, enfin, je sais pas, moi. Ouais, d'accord. Moi, c'est pareil, je suis comme. Merci. On va trouver autre chose. Philou, on accueille Philou pour ça aussi. Oui, bonsoir Gérard, j'appelle de Pecno-sur-Aube. Ouais, merci, 112.5, c'est pas. Je le savais très bien. Bonsoir les soirs. Donc, alors, bonsoir. T'as entendu la question? Oui, d'où vient le mot puceau? Voilà, pucelle et puceau. Donc, attends, c'était pas toi que je m'adressais, donc c'était pour t'accueillir. Oui. Donc, monsieur Mazur. Oui, eh bien, écoutez, voilà, mon explication est la suivante, n'est-ce pas? Tout a démarré avec le mot puceau. Qui désignait cette manie qu'avaient les jeunes gens qui n'avaient pas eu recours au coït à se gratter furieusement l'entrejambe, n'est-ce pas? Donc tout le monde pensait qu'ils avaient des puces, d'où l'appellation puceau, auquel il a bien fallu trouver un féminin, pucelle. D'accord. Il y a qui disent que ça vient de... Elle est pucelle qu'elle était. Absolument. Oui, tout à fait, je mouille, c'est ce que j'avais lu dans le dictionnaire, mais moi j'ai trouvé... Oui, c'est bon. Oui. Et tout à l'heure, toi, tu vas faire oui au standard. Toi, je le sens vite fait. Filou. Ouais, alors ça n'a rien à voir avec, je vais contredire Monsieur Mazur, parce que ça vient en fait du groupe de rap Puceau na Puceau. Je sais pas si je crois que Fun le programmait à un moment. Exactement, il y a un an ou deux, on passait. Puceau, et ça vient de là en fait. Ouais, d'accord. Mastro Lanu, ouais, tout à fait. Écoute, moi je reviens sur l'histoire des puces, j'ai une version légèrement différente. Tu sais qu'en fait, tu connais, on a parlé du morpion tout à l'heure, je sais pas si tu te souviens. Ouais. En fait, c'est une espèce de morpion du pubis, et à l'époque on avait des puces. Et en fait, quand tu étais puceau, tu n'avais pas encore vu la couleur d'une puce, mmh. vu que tu n'avais pas vu la couleur d'un gland. Mmh. Voilà, donc en fait, tant que tu n'avais pas vu de puce, donc de bite, bah, tu étais puceau. Voilà. Ma parole, vous êtes vachement. Merci Esteban. Je vais te dire une chose. Non, t'avais une mèche rebelle et il a essayé de te la remettre en soufflant. Je vous préviens, c'est vraiment. Là, vraiment, vous m'étonnez. Vous êtes vraiment nul, hein. Ils n'ont pas la bonne définition. La définition, je l'ai, donc c'est en deuxième exemple par rapport à la première question. Et je pensais tout le monde qu'allait me dire. Jeanne, la pucelle la plus connue sous le pseudo de Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans, pas du Mans, ouais. Déjà pour commencer, qui n'a jamais vu le temps de coucher avec qui que ce soit parce qu'elle avait pas le temps. Pucelle à ne pas confondre avec la pucelle de la décoration militaire d'un haut gradé de l'armée vierge ou aussi parce pucelle, la fille du puceron et de la puce. Exemple, ce matin, j'ai écrasé une pucelle. C'est pas grave, c'est qu'une bête. Et en fin de compte, c'est vrai. En fin de compte, attendez, au lieu de vous marrer dans le studio. Et c'est vrai. Oh pardon, l'équipe là. J'ai pas coupé mon micro, désolé. L'équipe, on se calme. Alors en fin de compte, c'est vrai. C'est que je pensais que Monsieur Mazur, qui était bien branché sur tout ça, qui était bien philanthrope, ouais. Ouais, ben Monsieur Mazur, je crois que avis, vous avez perdu la tête. Et moi, je peux vous dire une chose, qu'en fin de compte, ce qui est vrai, et ça, je peux le certifier. C'est qu'en fin de compte, quand vous êtes à l'armée, vous avez un petit insigne qui se met sur le rebord de la chemise, sur la pochette de la chemise, et ça s'appelle une pucelle. Ouais, c'est clair. Oui, Gérard, excusez-moi, pardonnez-moi, mais quel est le rapport avec Jeanne d'Arc? Jeanne d'Arc, c'était la pucelle d'Orléans. Elle n'avait pas encore d'uniforme, Monsieur Gérard, elle avait une armure. Mais c'est pour ça qu'ils l'ont surnommée la pucelle d'Orléans. Gérard, d'ailleurs, c'est Philou, là, pour revenir un petit peu sur l'épisode de Jeanne d'Arc. Attendez, vous parlez tous dessus, deux secondes. Oh, Philou. Oui. Bah justement, pour documenter tes propos, pour revenir sur la période de Jeanne d'Arc, là, la pucelle, faut savoir que vers la fin, elle avait un peu la chatte en feu, quoi. Ouais, non, mais bien sûr, parce qu'elle a été brûlée. Ouais. Non, mais c'est bon. Hey, Filou. Elle était chaude. Hein. Ouais, non, mais Filou, c'est bon. Arrête un peu de dire n'importe quoi. Monsieur Gérard, pardonnez-moi une petite Monsieur question. Mazur, oui. Une toute petite question, s'il vous plaît. Je me posais l'interrogation suivante. À votre avis, existe-t-il beaucoup de pucelles aux îles Vierges? Des pucelles aux îles Vierges? Avez-vous par exemple des statistiques ou bien un quelconque sondage qui pourrait nous éclairer là-dessus? Non, j'ai pas du tout de... Vu que t'as bien préparé ton débat, bien ficelé, tout ça, il te faut 3-4 jours comme tu le disais, t'as dû prévoir ça. On a pas du tout de sondage là-dessus. Bon, d'accord. Gérard, il y a Céline qui m'a pris au standard, là, et en fait, il y a un erratum à faire, là, c'est pas la pucelle d'Orléans, c'est la pucelle de Rouen, Jeanne d'Arc, elle a été brûlée à Rouen. Oui, puis-je apporter une correction, s'il vous plaît? C'est moi qui commande! Voilà, non, elle disait ta gueule à l'auditeur, c'est pour ça, Gérard, t'inquiète pas. On l'a mis en attente, qu'est-ce que tu voulais dire? Donc, en fin de compte, elle a été brûlée à Rouen, mais elle a toujours été nommée la pucelle d'Orléans. Et ça, j'en mettrai ma main au feu, c'est marqué dans le dico. Ah là là. Vous allez pas me casser les couilles! Les jeunes mots! Ah là là. Voilà. Et encore, et moi je renouvelle Papos qui dit, est-ce que Gérard s'est déjà fait dépuceler ses kystes? Eh ben c'est vraiment pas drôle. Gérard, si je peux me permettre, une question comme ça, je ne répondrai pas. Gérard, si je peux me permettre, tu t'enflammes là. Ouais. Donc voilà, donc... pardonnez-moi. On part une douche. Monsieur Mazur à l'appareil, je voulais juste savoir, puisque nous avons clairement établi que Jeanne d'Arc était surnommée la pucelle d'Orléans et qu'elle a terminé en feu à Rouen, alors dans ce cas-là, monsieur Gérard, expliquez-moi pourquoi y a-t-il une statue de Jeanne d'Arc rue de Rivoli à Paris? Ah bah ça, c'est pas ça, je peux pas vous le dire, et c'est pas à moi qui peux poser la question. Mais c'est Orléans aussi. Non mais c'est de manière il y en a une sur Paris, et comme vient de dire Céline à l'instant, ça prouve qu'il y en a une à Orléans. Oui, il y en a une à Orléans. Ouais. Voilà. Ouais, mais Gégé, toi qui es féru d'histoire, là, apparemment, parce que je savais pas que tu kiffais l'histoire comme ça. Mais attends, je kiffe pas l'histoire, c'est que c'est ce que j'ai lu dans le dictionnaire. Oui, et en fin de compte, ce qu'il faut bien se dire, c'est que de manière parmi vous, je sais pas quel âge que vous avez parce que j'ai pas les âges, mais je sais très bien que le petit insigne qu'on a sur le rebord de la chemise ou sur la veste quand on défile, ça s'appelle une pucelle. C'est pas un pince. Monsieur Gérard, faudrait-il en déduire que la majorité des militaires qui ont cet insigne n'ont jamais eu de rapport sexuel? Non, je veux pas dire ça. Faut pas commencer. Non, c'est pas ce que je veux insinuer, c'est que ça s'appelle comme ça. Mais ça s'appelle comme ça. Que les militaires du 14 juillet sont des lopettes. Mais ça veut rien dire, monsieur Mazur, au revoir. Allez hop, terminé. Mais non, Gérard. Attendez. Gérard. Monsieur Mazur, terminé. Je suis d'accord avec toi, Gérard. Terminé. Gérard, on est un petit point sur le net. On est à 18 111. Vraiment, bravo. On monte, c'est énorme. Ce qu'on va faire, Gérard, c'est que tu vas peut-être poser ta question. Et puis, on va écouter un disque. On y va, Gérard? Et on dit au revoir à monsieur Mazur. On lui a dit au revoir, ça y est. J'ai une petite question internet. Attends, on a une question internet. Pareil, que je refuse de poser, donc de prépubère mystère qui dit: Gérard, est-ce que ça t'est jamais arrivé de croire que tu dépluses les Sandy en essayant de la pénétrer dans un bourrelet? Eh ben, je voulais dire que c'était un pas drôle et que Gérard répondra pas. Voilà. Et deux, que encore une question comme ça et je mets fin au débat très vite. Mais non, Gérard. La question, on l'a évoqué, on l'a pas posé. On a dit qu'on la poserait pas. Où y a-t-il plus de puceaux ou pucelles et vierges en Europe? Va s'écouter. Alors, ce qu'il va y avoir, attends Gérard, c'est qu'on va écouter un disque et juste après, on va écouter un témoignage en sortie de disque. Donc, je conseille aux gens de rester derrière. Il va y avoir un témoignage d'une personne. D'une pucelle connue, voilà. qui a voulu témoigner masquée, avec la voix. C'est la voix mystère. Ouais. Une voix cachée. D'accord, Gérard? Et donc, je répète la question. Où y a-t-il plus de puceaux ou pucelles et vierges en Europe? Et on va s'écouter. Viens ma sœur à 18 trous de Pu Gotti. Et on se retrouve tout de suite après au 0825 08 5000. À tout de suite. Ce soir, les débats du Gérard. Tu te foudrais pas de ma gueule ou tu prendrais pas le train là? L'émission la plus barrée de la bande FM sur Fun Radio. Et voilà, bon, rebonsoir. Donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0825 08 5000. 0825 08 5000. Il y a toujours Hervé et Céline qui est là pour vous accueillir au standard. Sur le site internet www.funradio.fr, toujours Esteban. Donc, on était à 18 511. Et on est à 19 183. Ah, ben ça va! C'est quoi le record déjà? Le record, c'est 22 000 et quelques, c'était ça. C'était, oh là, je me souviens plus. Sur le 22 214. Ah, je me souviens plus. 19 000, combien que tu m'as dit? 19 283. 283, je crois que le record c'était 22 500, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, non, mais... t'avais quelque chose à nous raconter en... Non, mais on va... Donc, on venait de s'écouter bien chez ma sœur, 18 trous de Pugotti. Et donc, on va s'écouter donc cette fameuse voix mystère. Alors, la voix mystère, c'est un témoignage de quelqu'un qui a appelé par le standard et qu'on a enregistré. Et donc, on va l'écouter tout de suite. Voilà. Bonjour, je suis une pucelle très connue. J'ai connu un homme... Il voulait coucher avec moi, mais moi, non. Avec lui, j'ai préféré rester vierge. Son odeur, son visage, son haleine de whisky, bon marché, ses trous, ses dents noires, sa façon de hurler « Ta gueule !» Tout me dégoûtait. Je suis pas une décharge pour les épaves. Ma chatte, c'est pas un vide ordure. Mais comme il était connu, animateur de radio, je me disais « Bon, il a peut-être de l'argent. » Même pas. Pas un rond. Même pas un euro pour s'acheter du savon. Bref. Je préfère rester pucelle et vierge plutôt que de coucher avec Gérard, un clochard. Et Lily, t'as fini? J'arrive. Ça, par contre, c'est un truc. Ah merde, je veux pas. Ah là là. Alors non, là. Voilà. Alors donc, une pote de, un petit truc que j'ai récupéré il y a pas si longtemps que ça. Ah là là. C'est sur une écoute. Sur une radio concurrente. Ah là donc, là. Attends, t'écoutes d'autres radios, toi? Alors, quelle est la différence entre le cul d'un train qui s'éloigne et le cul d'une femme de près? Ah bah je sais pas, ça va être super drôle, vas-y, je t'écoute. Alors donc, quand tu vois le cul du train de loin, c'est que tu l'as loupé. Et quand tu vois le cul d'une femme de près, c'est que tu vas l'avoir en fin de compte. Ouais, d'accord. Bah ouais, parce que quand tu vois le cul d'un train qui s'éloigne, donc c'est que tu le loupes. Ouais. Mais quand tu vois le cul d'une femme de près... Mais qu'est-ce que t'appelles le cul d'un train, toi? Bah, le cul d'un train, c'est l'arrière du train. Ouais. Ah non, pas toujours. Hein. Bah si. Bah, à mon avis, si. Non. Donc voilà. On va écouter la voix mystère, non? C'était quoi, non? Je sais qui c'est, mais enfin. C'était qui? Ah oui, non, d'ailleurs, mais... on n'a pas dit qui c'était. Non, mais j'ai reconnu sa voix, donc c'est bon. C'est même pas la peine que je donne son nom à l'antenne, c'est tout. Attends, Gérard. Je crois que il faut qu'on vérifie parce que il y a des appels pour. Déjà, on l'a pas reconnu, donc on va le réécouter. Hein. Mm-hmm. Bonjour. Je suis une pucelle très connue. J'ai connu un homme. Il voulait coucher avec moi, mais moi, non. Avec lui, j'ai préféré rester vierge. Son odeur, son visage, son haleine de whisky, bon marché, ses trous, ses dents noires, sa façon de hurler « Ta gueule !» Tout me dégoûtait. Je suis pas une décharge pour les épaves. Ma chatte, c'est pas un vide ordure. Mais comme il était connu, animateur de radio, je me disais « Bon, il a peut-être de l'argent. » Même pas. Pas un rond. Même pas un euro pour s'acheter du savon. Bref. Je préfère rester pucelle et vierge plutôt que de coucher avec Gérard, un clochard. Et Lily, t'as fini? J'arrive. Voilà, c'est donc, qui? C'est non, qui? Non, mais c'est bon, j'ai. T'as reconnu la voix? Ouais, mais c'est Henri? Pas. C'est voilà. Qui la voix? C'est qui? Moi, j'ai pas reconnu. Non, mais même, c'est bon, ça y est, c'est terminé. On va récupérer. La voix. Filou, Marcelo, et je mouille pour finir. Juste pour dire, parce que c'était une très bonne idée, parce que s'il y a des gens qui veulent éventuellement, pendant les autres débats à venir ou la saison d'après, qui veulent parler à visage masqué, à voix masquée, ils peuvent toujours le faire. On peut masquer les voix. Hein. On peut masquer les visages aussi. Ouais, on leur met une cagoule et voilà, c'est bon. Ah, Gérard. Oui, Gérard, si tu te dis si on te dérange. Hein. Ouais, non, mais c'est quoi ça? Il y a quelqu'un qui dit Gérard a bien masqué ses dents blanches par des dents pourries. Et ça, c'est vraiment pas drôle. Franchement, c'est vrai, ouais. Mmh. Et donc, on récupère Filou. Oui, toujours là, bonsoir. Marcelo Mastro Lanu. Allô. Jamouille. Mestakrazen. Et David, Deb Superstar, encore... Gérard, oui. Pour la voix mystère, la voix mystère, là, il me semble avoir reconnu, mais j'hésite entre Victor et Alice Sapritch, mais je sais pas... Non, mais c'est bon, Je t'attends. Et si tu veux parler de Victor, le directeur d'antenne, je vais te dire une chose que t'as intérêt de te faire gaffe parce que c'est moi qui risque d'avoir des problèmes. J'ai cru entendre des intonations, mais je peux me tromper. Hein. Ouais, j'espère pour toi. Donc, où y a-t-il plus de puceaux et pucelles et vierges en Europe, donc dans tous les pays? On va demander à Dev. Moi, je dirais là où il y a le plus de poils, tu vois, genre la Grèce, le Portugal. Voilà, parce que bon, faut fouiller un peu plus pour trouver l'endroit. Hein. Et donc, forcément, ça te fait rire, Marcelo? T'as dit en Europe, hein, c'est ça? Pas trop. Bah ouais, mais dans tous les pays confondus. Donc Europe, moi je dirais bah, surtout dans les dom-tom, style Canada, Australie, dans des coins comme ça. Par exemple, je sais pas si t'as déjà entendu parler du bush australien. Non, j'en ai jamais entendu parler. Il y a pas mal de Huawei. Ah, c'est clair, dans le bush, il y a ce qu'il faut, quoi. Mm-hmm. Mm. Quand tu dis l'Europe, c'est l'Europe des 15 ou l'Europe en général? L'Europe en général. Avec les dom-tom. Avec les dom-tom. Bah oui. Donc Canada, Australie, tout ça, quoi. Ouais. On a une question, d'Exidius qui demande est-ce qu'une prostituée vierge se fait payer plus cher qu'une prostituée de routier? Alors la question justement c'est que là justement je voulais pas en venir sur cette question là mais malheureusement on la pose. En fin de compte je vois pas du tout le rapport sur les prostituées là-dessus. De routier. Non parce que bon c'est pas c'est un peu des gourdes à foutre hein, quand même. Ouais mais c'est pas parce qu'il y a des routiers, on dit toujours les routiers c'est des gros cochons, moi je peux comment? Non, il y a des alcooliques aussi, hein. faut pas te confondre. Tony, tu te calmes s'il te plaît parce que je viens de te reconnaître, d'accord? Oh, il y a Tony, c'est vrai? Il y a Tony? Bien. Oh là là, je t'adore Tony. Oh, je te kiffe. Moi aussi, je vous adore aussi. Oh là là. Alors là, je voudrais savoir. Mais c'est pas le vrai, attends. Mais attendez, mais vous foutez de ma gueule. Non, mais c'est Evan qui met les sons, c'est grillé. Mais non, c'est pas Evan qui met les sons. D'accord, Tony, alors au revoir. Ah non, on va pas dire au revoir, c'est pas Tony. Attends, parle un peu. Non, s'il te plaît. Oui, bonsoir. Donc c'est toi qui l'as choisi les auditeurs, alors terminé. J'avais bien prévenu dès le départ qu'il était hors de question qu'il y ait un habituel dans la dernière. En fait, Gérard, c'est parce que moi je suis amoureuse de Tony, alors je voulais. Ah non, mais moi il est hors de question. C'est un effort pour elle est amoureuse. Toi, tu sais ce que c'était. Non, terminé. Allez, terminé. Mais sois sympa, Gérard. C'est la dernière. Gérard, fais un effort. Allez, quoi. Il était hors de question. Je l'ai dit tout à l'heure quand je suis arrivé. Je te l'ai dit, je ne veux aucun habituel. Mais attends, Gérard, on a eu Monsieur Mazur. Alors, dans ces cas-là, pourquoi qu'on n'appelle pas Lily ou pourquoi qu'on n'appelle pas Clémentine? Parce que Lily veut plus parler. Elle veut plus te parler. Ouais, je le sais. Alors, c'est bon. Alors, dans ce cas-là, t'appelles Clémentine. Mais Clémentine, elle fait dodo. Elle dort. Je l'avais tout à l'heure, j'ai écouté. Ben ouais, c'est ça, t'as raison, arrête tes conneries, tu veux. Clémentine, elle écoute le débat, alors tu t'es. Arrêtez vos conneries. Elle se fout de ta gueule comme les autres. Ouais. Ben oh, c'est bon, toi, je mouille. Alors que nous, on est là et on t'aime. Ouais, pas moi. On te kiffe. Et elle se fout de ta gueule et tu t'en rends même pas compte. Ouais, dans ces cas-là, quand vous les avez au téléphone, quand elles sont sur l'antenne et vous avez qu'à appeler comme ça s'est passé hier. Ah, mais c'est ton problème, ça. Ah, d'accord. On te soutient, nous, GG, on t'a toujours soutenu. Ok. On a toujours été derrière toi, c'est clair. C'est ça. Bah oui, t'as pas senti. Donc, qui c'est qui a pas répondu? Je mouille pour finir. Je me souviens plus de ta question, là. Où y a-t-il plus de puceaux ou pucelles et vierges en Europe? Je dirais plus Europe du Sud, Brésil. Ouais. Parce qu'il y a l'Amazonie là-bas, et comme il fait chaud, t'as pas envie de te coller à quelqu'un, quoi. D'accord. C'est humide aussi. Ok. Voilà. Bon, je pense que le tour de la question est fait. Bah non, j'ai pas répondu. Qui a pas répondu? Filou. Si, t'as répondu, toi. Ah bon? Non, j'ai pas répondu. Moi, je voulais dire que c'était. Je trouvais que c'était en France, quoi, qu'elles étaient un petit peu trop timides en France, qu'elles étaient vierges très très tard. Et comme là, c'est l'été, moi, je préconise qu'elles ressortent les mini-jupes, les jupes à fleurs, qu'elles se fassent plaisir. Et puis voilà, c'est l'été, hein. Je vous préviens. C'est terminé maintenant. Pour sortir des clitos, là, c'est vrai, ça. C'est Dario qui fout sa merde. C'est simple, on va faire la dernière question. Ça se passe bien. Non, mais là, je crois qu'on va arrêter. En plus, on a la chance, on peut déborder ce soir. Evan était d'accord, on peut aller jusqu'à 2h15. Non, je déborderai pas. Mais si, tu vas déborder. Vas-y, Gérard, j'ai pas le temps. Gérard, c'est le dernier débat, il se passe rien. Et regarde. Combien qu'on est sur le site internet? On est exactement. Alors, moi, j'ai une bonne nouvelle. Ouais. On est à 20 996. On est à 516 du record de Gérard. Je sais pas lire, c'est impossible. J'ai cru que t'allais lire quelque chose d'autre, toi. Ouais, Gérard, et on peut déconner. Hein. Alors, est-ce qu'une femme vierge. À quel âge avez-vous été dépucelée? On va demander à Jemouille. C'est vachement perso, moi je réponds pas. Hein. Ah bah alors, c'est comme tu veux. Je fais comme toi, attends, c'est perso. Hein. Tu permets de parler des puceaux, mais de ma vie privée, je suis pas d'accord. Moi j'ai bien répondu sur des questions qu'on me disait. Bah vas-y, tire-moi les verres du nez. Bah non, bah c'est à toi, oh, oh, ma grande. C'est dégueulasse. Bah vas-y. Oh. Allô. Oh. Oh. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe avec Je mouille? Bon. Allô. Bah il mouille. Avec Godine. Je mouille. Oui, je suis là. Non, alors, pour toi? Alors. 18. Comment? 18. 18 ans? Ouais, mais dépucelé ou dévirginisé? À quel âge avez-vous été dépucelé? Alors, dépucelé, 16, dévirginisé, 18. D'accord. Et on accueille le puceau d'Orléans. Bonsoir. Salut, Jean. Salut. Oui? Toi, bon, c'est bon. Bizarre. À mon avis, t'as été reconnu vite fait, toi. Ah, oh y a oui un ton, il y a un ton. J'écoute. Hey, il me semble que t'as été reconnu tout de suite, toi. Ouais. Oh, tu réponds à ma question. Bah oui, bah moi je suis puceau, je m'appelle Jean, je suis puceau, donc j'ai pas été dépucelé. Vas-y Gérard, hein. Il t'écoute. C'est bon ? Avec c'est manière. Non, non, mais c'est pour dire à Evan qu'il va, il va prouter et que je peux aller jusqu'à 2h. Donc 12 minutes, okay. Voilà. Non, jusqu'à 2h40. Puceau d'Orléans. Oui. Tu réponds ? Bah moi je suis puceau, donc j'ai pas été dépucelé. Ouais. Putain, oh là là là. Eh putain, mais eh, vous avez l'intention de me casser les couilles jusqu'à quelle heure, là? La couille. Eh, jusqu'à quelle heure vous avez l'intention de me casser les couilles? Mais Gérard, tu lui as pas demandé s'il était puceau hétérosexuel ou puceau homosexuel? Mais j'en ai rien à foutre, le débat, c'est puceau, pucelle, vierge. Bah oui, clair, net et précis. Or, tu réponds à la question, je te dis au revoir. Bah, je suis puceau. Oh là là, oh putain! Gérard, recentre le débat, parce allez que là, Gérard, recentre. C'est la question, c'est la question. Quand on est puceau, on peut pas être dépucelé. À quel âge avez-vous été dépucelé? Il n'est pas été dépucelé. Mais tu comprends pas, hein. Quand tu fais pas l'amour, tu peux pas être dépucelé. C'est un trablo, allez, dégage. Allez, dégage. Il faut pas faire bah, attends, de sexy. Allez, hop. Voilà, on lui a dit au revoir. Terminé, ça commence à me ouais, gonfler. Il y en a marre, là. Ouais, je suis d'accord avec toi, Gérard. Là, là, à mon avis, c'est toujours sur la fin que ça commence à foutre le bordel. Ça, c'était bien parti, et là, ça merde. T'as eu raison de le renvoyer au standard. Hein. Donc, je mouille, toi, t'avais dit 16 et je sais plus quel âge. Hein? Oui. Ouais, moi, je... Filou. Filou, une fois. Filou. Attends, on n'est pas sûr qu'il soit à l'antenne. Attends, du calme. T'excites pas deux secondes, Gérard. Attends, Gérard, je t'explique. C'est difficile à gérer quand tu vires tout le monde. Forcément, c'est difficile de trouver du monde après. Donc, faut laisser le temps. C'est lui qui est tout seul. Mais non, mais il y avait Filou, il y a Jemouille. J'adore quand tu cries. Et Marcelo. Ouais, et Dev. J'ai Dev superstar. Et Dev superstar. Mais Filou, tu l'as viré. Arrête de boire. Non, Filou, ah bah non, ça, il va pas arrêter de boire. Ça. Ah bah Filou, c'était Tony. Bah ouais, bah ça m'étonne pas. Alors c'est pour ça. Il aurait pu rester. Marcelo. 17h30, moi je dirais à peu près. Vers 17h30. Hmm. Parce que comme ça, t'as toute la fin d'après-midi tranquille après pour décompresser. D'accord. Ah. Et qu'est-ce qu'il nous reste, Dev? Ouais, bah écoute, moi je trouve que c'est vachement privé comme question. C'est un peu indiscret, quoi. T'as vu quand même, hein? J'ai un peu. Enfin, tu vois, moi je t'aime bien, mais tu vois, j'estime on se connaît pas assez pour que je réponde à une question aussi indiscrète, quoi. Puis, qui me dit que tu vas pas tout balancer les infos après sur le net ou un... Non. J'ai jamais dit que j'avais balancé n'importe quoi sur le net, d'accord? Tu l'as pas dit, non, mais on sait jamais. Non, mais même sur le net, si je vais sur le net après, de toute manière, c'est pas pour ça, d'accord? C'est pour discuter avec des gens et c'est tout. Voilà, terminé. Ok, bon, ben... Pour voir des photos de cul, ouais. Ouais, c'est ça, t'as raison, connard. Attends, et qu'est-ce qui me dit que tu vas pas le balancer à la presse, à des magazines à scandale, des trucs comme ça? Ouais, c'est ça, t'as raison. Fous-toi bien de ma gueule, toi, alors. Non, je me fous pas de ta gueule, j'ai non, mais tu prends le train, c'est pareil. Bah non, je prends pas le train. Ça va deux fois plus vite. Hein, te fous pas de ma gueule, tu veux? Okay. J'ai une question de prépubère mystère, mais j'hésite de te la poser parce que je la trouve un petit peu hard. En même temps, c'est un petit peu mon sacerdoce. Gérard, on dit dépucelé pour la chatte. Comment on dit pour la première seau d'eau? Tu devrais le savoir vu ton expérience dans les chiottes de la loco. Je répondrai pas à cette question-là, merci. Bon, d'accord. Et sous la laine 105. 105.5. Oui. De mon cul en brie. Bonsoir sous Hélène. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc alors toi. Ferme-toi, prends un verre. Oh, tu fermes ta gueule, toi derrière. Ouais, ça serait bien, ouais. Mets-toi à l'aise. Ouais. Oh, Marcelo! Ah bah attends, mais moi je l'accueille. Mais il est gentil et il n'emmerde pas Gérard. Oh, c'est moi qui commande, d'accord, encore dans les débats. Oui, c'est le dernier débat de la saison, donc vous fermez vos gueules, c'est moi qui commande encore. D'ailleurs, c'est quoi la question, Gérard? À quel âge avez-vous été dépucelé? Question de monsieur Cousin. Moi, je crois que c'est entre le 5e et le 6e étage, un truc comme ça. Dans l'ascenseur. Ouais, d'accord. Bah, si vous parlez des ascenseurs, c'est bien parce qu'il y en a, qui. Hop. Ta gueule. Tu vas déborder là. Mettez des carottes dans le cul. Tu vas dire une connerie alors. Bon, c'est bien, ça continue. Ça se voit que Max n'est pas là pour remonter un peu. Pour gérer. Donc, ça recommence. Temps, vois, c'est pas grave. C'est ça recommence avec le bordel. Donc, dans 8 minutes, c'est terminé. Sondage, combien de fois peut-on être dépucé? 80. Pedro, oh, arrête. Quoi? Ça suffit ton bordel. Mais Pedro, je fais rien. Ça suffit ton bordel. T'as un écho là dans le téléphone. Dans la nuit, ça c'est tellement large. Bah Gérard. Bon, vas-y, bah, c'est simple. Évan, arrêtez le sondage. Attendez. Arrêtez. Evan va prendre juste derrière, comme ça on va. On écoute tes sondages, bien sûr, Gérard, tout de suite. Tes sondages. On va faire la fin des sondages et puis ça va être terminé. Alors, combien de fois peut-on être déplucé? Alors, 81% disent une douzaine, s'il vous plaît. 70, 10 fois par semaine. 30%, 6 à 7 fois le mois. 12% c'est naturel et 5% grec, je sais pas ce que ça veut dire. Alors quelles sont les vierges célèbres? Alors 90% Barbie, 50% Vierge Marie, 40% Iron Man, 30% Sheila et 2% quasi Ivan. Et quelles sont les pucelles célèbres? Alors Jeanne d'Arc, bien sûr, on en a parlé. Mini, je sais pas quoi. C'est Ali. Donc je sais pas ce que c'est. Dire Ali et puis 2% pour Pedro. C'est pas moi qui ai cherché ça, okay. Sur le net. Voilà. Donc voilà, les sondages sont terminés. Alors la dernière question. Oui, c'est la dernière. On a fait les 11. Eh oui, non, on en a fait 10 et c'était prévu avec Max que c'était 10. Et la dernière question, c'est peut-on consulter un marabout pour savoir quand on va se faire enculer. Quand on va perdre sa virginité. Et on va demander à Jemouille. Je suis pas sûre que le marabout soit en capacité de te répondre. Mm-hmm. Moi qui te prenne sauvagement comme un vieux bouc, mais voilà, quoi, si c'est sur le champ, il va te le faire, mais gratos. Ouais, mais bon, ok. Donc pour toi. Je sais pas si toi tu fréquentes les marabouts. Non, pas du tout. Tu peux faire des pucelets, mais ça peut arriver. Il y en a aussi qui servent à ça. Non, mais moi personnellement, non, pas du tout. Marcelo. Écoute, moi des marabouts, j'en ai taquiné quelques-uns. Hein. J'ai passé la main 2-3 fois sous les boubous quand même, faut le dire. Mmh. Maintenant, en ce qui concerne la pucellerie, je sais pas s'il y a un quelconque rapport entre le maraboutage et la pucellerie, quoi. Je sais pas où tu vois le lien, toi, mais bon. Non, mais moi, attends, on va demander à Souhélène. Non, mais toi, perso, oui, t'as l'air. Moi, je pense qu'en fait, okay. Comme Jeanne d'Arc était une sorcière, peut-être qu'il y a un lien entre le marabout et la pucellerie, mais moi, je pense pas que personnellement, j'aurais été voir un marabout parce que j'ai un petit peu peur, quoi. T'as peur de quoi? Je sais pas, les marabouts, ça fait bizarre. Non, mais même. Tu vois? Non, mais même, faut bien vous dire une chose. Ouais. À mon avis, le marabout, déjà, j'écoute la nuit souvent ce qui se passe. Et en fin de compte, les marabouts, ils avaient. T'entends des voix, comme Jeanne d'Arc? Non, mais ils avaient prévu que, comme quoi, que le Sénégal allait gagner contre les Turcs. Et en fin de compte, ils ont perdu. Ouais. Donc, c'est vrai à mon avis, c'est des parce conneries. Que les marabouts, ils sont sénégalais. Ouais, mais même, c'est pas là. Ouais, mais d'accord, ils ont. Ils ont eu raison, ils l'ont eu dans le cul. Bah oui, mais d'accord, mais. Mais nous, de toute manière, on a bien perdu. On n'a pas été loin. Alors voilà. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Rien. Moi, j'ai pas répondu. Dave. Ouais. Bon alors, écoute, moi je trouve que c'est un peu limite, tu vois, si c'est pour aller chez un marabout, payer ce qu'on doit lui payer parce que ça coûte quand même super cher. Autant aller voir une pute. Tout ça pour, tout ça pour se retrouver dépucelé à coups de baobab, c'est la limite. Bah, de toute manière, comme Jamouille vient de dire, autant aller voir une pute, ça coûte encore deux fois moins cher. Ouais. D'accord, on y va à quelle heure? Pas du tout avec moi, d'accord? Ah bon, pardon. Donc voilà, question à internet avec le chiffre pour la conclusion du débat. C'est trop tôt. Si. Bon, on est à, je dis pas le chiffre. Ah bah si, je vois le chiffre. Allez, trouve-moi une question. Il me donne combien ? Une question. Non, c'est terminé. Alors, la question d'abord, GG, à partir de combien de litres d'alcool dans le sang peut-on être considéré comme dépucelé ? Non, mais c'est bon, je réponds. Tu devrais le savoir. Je ne réponds pas. Ça, c'est bien les questions. Mais tu mérites cette question. Non, mais ça, je réponds pas. Parce que t'as été vilaine. Ouais, bien sûr. C'est ta vilaine ce soir. Le chiffre. Salope. Merci. Le chiffre. Le chiffre. Esteban, s'il te plaît. 22 400 et des poussières. Oh Pedro, t'arrêtes de couper les gens quand je demande. Attends. Merci. 22 000. Attends, bon, j'ai dû se parler, du calme. 22 444, mais c'est pas à toi que je dis, c'est à Pedro. Voilà. Merci. Donc mon record est battu. T'es prêt de pas écouter Gérard quand on parle entre nous. Voilà. Et son record est battu, du coup il veut finir à 2h. Ils n'ont même pas essayé de passer le cap supérieur qui est 25 000. Non, évidemment. Parle à mon cul. Ma tête est malade. Voilà, donc voilà, ben de toute manière, il n'y a plus de. Ah si ! Y a-t-il un médicament contre la virginité ? Et ça sera la dernière question pour ce soir, pour l'année. Bah, il y a la pilule contraceptive. Ouais. C'est Je Mouille qui parle. Oui, Je Mouille. La pilule est un bon médicament contre le dépucelage. Enfin, contre la virginité, excuse-moi, tout le monde le sait. Mais ça, c'est pour éviter d'avoir des gamins aussi. Ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment une question bête. Ah ben, si ça te plaît pas, Swellen, c'est pareil. C'est peu idiot, quoi. Ouais, si ça te plaît pas, je te dis, c'est le même prix. Je sais, hein. Voilà, alors tu réponds maintenant. Non, mais je trouve ça bête, je vais pas répondre. Alors si tu veux pas répondre, je te dis au revoir. Non, je t'aime trop, Gérard. Non, mais pas moi. Mais pourquoi ? Moi, je suis une fan, Gérard. C'est ça, bien sûr. T'as vraiment rimé pour venir là et tu prends une voix de mec. D'accord ? Allez, Tony, dégage. Allez, Tony. Je m'en doutais. Oh là là, ouais, c'est bien du Hervé. Allez, tout craché. Ah là là, Tony. Et Marcelo. Écoute, je sais pas, les médicaments, qu'est-ce que faut du sirop de cordon, comme tu dis tout le temps là. Ouais. T'as un bon médoc, sinon tu peux sucer des glands aussi, ça aide. Non, je pense pas. Attends, t'en as bouffé du gland, tu sais, ça aide bien quand même. Fais gaffe à ce que tu dis parce que tu risques de pas faire la conclusion. Tu faisais des randonnées pédestres en forêt et tu tombais sur des glands. N'importe quoi. Tu ramasses des glands. Et Dave Superstar pour finir. Merci. Moi, je me rangerai un peu du merci même de la avis que tu m'as fait. T'écoutes. Ouais, Dave Superstar pour finir. Je me rangerai un peu du même avis que je mouille et je dirais que pour éviter vraiment la virginité, le seul médicament efficace, hormis la pilule, c'est le stérilet. Et on peut dire aussi l'abstinence. À mon avis, je pense Le spéculum aussi, ça marche très bien. Moi, je pense que vous avez qu'à essayer le Viagra et ça serait encore meilleur. Contre la virginité. Ouais, tout à fait. D'accord. Donc, Gérard, t'as essayé quoi, toi ? Rien du tout. Attends, un bon tu mettais des suppositoires en plomb à une époque, non ? Ouais, c'est ça, t'as raison. Allez hop, conclusion du débat. On finit sur. Il y a juste une personne qui demande c'est quoi le thème de ton prochain débat de merde ? Il y en a plus. C'est le dernier débat de la saison. T'as même pas gueulé ? Non mais c'est le dernier débat de la saison c'est le dernier débat de la saison voilà donc on termine. Il y a beaucoup de gens qui demandent qu'est-ce que t'as contre les putes pour t'énerver comme ça en fait. C'est tout, il y a rien et c'est tout. Non mais c'est bon, c'est plus la peine. Non, c'est moi qui commande, j'ai dit que c'était terminé. Prends-le. Arrêtez de gueuler, c'est bon, attendez. Oh, j'ai dit terminé. Mais attends, Gérard, c'est un auditeur. Non, c'est fini. Il faut 4 personnes au moins à l'antenne. Gérard, c'est terminé. Gérard, je t'explique. Il faut au moins 4 personnes à l'antenne. Il y en a que 3 là, donc autant finir avec 4 personnes. Attention pour finir. Faut que tu allumes ton micro. Et bonsoir. Pénicien. C'est pas moi. Hein. Pénicien pour finir. Salut, ouais, bonsoir, Pénicien. C'est Pénicien. J'appelle de Festaille l'agneau. Et c'est quoi la question ? Au revoir, Tony. Au revoir. Tony, t'as été démasqué. Terminé. Voilà, Tony a été démasqué. On va le récupérer. Et on termine. On termine combien sur le net ? On n'a pas fini, alors moi je dis... Si, ça y est, c'est la conclusion. C'est la conclusion. Gérard, t'as même pas donné... C'est la conclusion. Mais Gérard, t'as même pas donné ta conclusion. C'est la conclusion, je demande le chiffre à Internet. Non, mais c'est après la conclusion. On fait toujours ta conclusion avant et les chiffres après. Marcelo, pour finir, conclusion. Truc qui marche. Conclusion dans ton fion. Merci Marcelo, au revoir. Ah non, c'était pas moi là, attention. On revient. Marcelo, pour conclusion du débat. Il y a des interférences. Une petite question là pour finir. Terminé le débat, c'est le dernier. Il y en a qui disent, il faut que tu conclues dans ton cul. Ah, il faut que je conclue dans mon cul. Hey, Esteban, c'est pas parce que Max est parti que tu dois commencer à déconner. Non, je déconne pas. Simplement, il y a des choses rigolotes qui passent sur le web. Je vois pas pourquoi je te les lirai pas pour le coup. Alors Marcelo, conclusion. Écoute, ce fut un bon débat quand même. Je pense que l'équipe a été bonne ce soir. Bonne équipe. Les auditeurs ont été merveilleux. Comme d'habitude. Pour toi, comme d'habitude. Toi, t'es nul à chier, ça change pas. Alors, au revoir, Marcelo. Attends, j'ai pas fini. Attends, je termine. Attends, chacun a le droit à la parole. Attends, vas-y. En même temps, si tu regardes l'un dans l'autre ce soir, ça a été tranquille. On t'a pas insulté, tout ça, machin. J'étais un bon débat. On n'a pas parlé de ta mère. On a parlé de rien du tout. On n'a pas parlé de Sandy. Dans le respect de l'anus. Donc, ça augure une bonne rentrée, ça. À mon avis, en septembre, ça augure une bonne rentrée. Voilà, je pense qu'on a... Pour l'instant, j'ai pas dit... pour l'instant, il n'y a rien qui est prévu pour la rentrée. Ah donc, bon, à la semaine prochaine, alors. Donc on voit ça la semaine prochaine, quoi. Ah non, de toute manière, la semaine prochaine non plus, il n'y a pas de débat. Quoi, toi, pendant les vacances, GG Ça vous regarde pas. Ma vie privée ne vous regarde pas. Voilà, terminé, Marcelo, au revoir. Au revoir, Marcelo, terminé pour lui. Il y a des gens qui disent un petit conseil pour l'été, attention au feu de foyer. Dev, superstar. Alors moi, je trouve que le débat était vraiment très intéressant. Moi, j'ai appris des choses vraiment que je ne savais pas, notamment que... on peut perdre sa virginité à 12 ans et être dépucelé à 14. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça vraiment super bien. Donc je voulais te féliciter et merci pour tous ces débats passionnants que tu as menés vraiment d'une main de maître tout au long de l'année. Puis je voulais juste savoir si cet été, est-ce que tu comptes boire et ensuite prendre le volant? Je viens de dire que ma vie privée ne vous regardez pas, vous saurez jamais ce que je ferai pendant les vacances. Et je mouille pour terminer. Écoute, et il a pas de volant. Dave Superstar, au revoir, bonne nuit. Voiture, bonnes vacances. Et t'as ma salope à t'emmerde. Voilà, je mouille pour finir. Je mouille. Oui. Allez là, vas-y, termine, conclue. Oui, écoute, c'était un bon débat. Moi j'ai kiffé. J'étais heureuse de t'entendre à l'antenne comme ça. T'as repris du poil de la bite, ça fait tu bon dégages, bon. Tu dégages. Et franchement... Allez Gérard. Il reste quelqu'un, je crois, encore. Non, mais attends, de toute manière, c'est pas je mouille, de toute manière, ça c'est encore un connard. Gérard, je me demande pourquoi tu fais pas des débats sur la gingivite, le tétanos ou les boules de caca au cul. Non, je mouille. Je mouille, tu fais la conclusion. Non, je crois que c'est au standard que ça couille. S'il vous plaît. Non. Sérieusement, non, voilà, de terminer. Mais non, conclu, t'as pas conclu, Gérard. Non, mais... 23 181. Voilà. 23 181. Bravo. Et il reste 10 minutes de débat. Non, c'est alors terminé. Il reste au moins 10 minutes. Ouais. 10 minutes. Non, ouais, donc moi, conclusion. Que Gérard a dit oui. Pénicien pour terminer la conclusion. Allô. Bon, c'est bien, il n'y a plus personne. Je crois qu'il y a. Je mouille, c'est ça? Allô? Non, c'est la 3. Alors? Qu'est-ce que vous foutez? Sérieusement, au standard? Ouais, parce que là, c'est le bordel. On a un problème au standard. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Maintenant, il y a... je mouille. Elle est là? Je mouille, t'es là? Maintenant, il n'y a plus personne. Ah. Je suis là. Hein. Elle est là, ok. Donc, bon, conclusion du débat. Bah écoute, non, c'était même pas la peine de me reprendre tellement ton débat, il était merdique. Donc voilà, je vais me finir toute seule. Au revoir, connard. Va te faire sauter, poufias. Merci, au revoir. Donc voilà. Bonjour à ta maman et à toute la famille. Arrête. Arrêtez, c'est pas bien. Gentil, c'est vraiment pas bien. Donc c'est attends, vraiment pas gentil. On la jette. Et je crois qu'on a Monsieur Mazur justement qui voulait apporter une conclusion à ce débat. Monsieur Mazur, je crois que vous êtes là. Allô. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Oui. Alors quelle était la conclusion que vous s'étiez apportée à ce débat, Monsieur? Écoutez, je crois que j'avais dit que c'était. Allô. Esteban, ça suffit. Mais c'est pas moi, putain. J'avais dit que c'était plus la peine. Au revoir, Monsieur Mazur. Attends, Gérard. Les précisions suivantes. Après terminé. Avoir fait certaines petites recherches, vous souvenez-vous terminé. Lors de votre question, quelle est la différence d'où vient. Attends, je l'ai coupé, c'est bon, Gérard. Gérard, je t'explique. Monsieur Mazur est un habituel, c'est la dernière de la saison. C'est dire. Terminé. Il a quand même le droit au bout. Le débat est clos. Gérard, il y a beaucoup de gens qui demandent non pas une conclusion sur ce débat-là, mais sur tous les débats que tu as fait durant l'année. Non. Que tu fasses une conclusion générale. Non, la conclusion des conclusions. Non, il y aura rien. Bon, et déjà. Surtout, le débat est terminé. Donc, conclusion. Comme c'était le dernier débat, donc pour ce soir, pour une fois, ça s'est très bien passé. On a terminé quand même à 23 181. Donc voilà. Donc j'espère qu'à la rentrée, on va se revoir. Et donc je vous souhaite de bonnes vacances à tous. Et surtout, sortez couverts. Et là, vous retrouvez Evan pour la nuit sans pub. Et on va s'écouter. Attends, on va s'écouter. Alors attends. Les Esteban. Le Master Boy. On continue, d'accord. Non, non, non, on continue pas, Esteban, non, c'est moi qui commande. Gérard, il y a encore des questions internet. Non, hein. Non, c'est terminé. Gérard, alors une question. Gérard, une question. Esteban, s'il te plaît, il y a beaucoup derrière. De gens qui voudraient revenir sur le début du débat où tu vas un peu plus loin dans la définition de la Vierge par rapport voilà. À non, non, c'est fini, c'est terminé, le débat est clos. Donc voilà, c'est fini. On voudrait vraiment que tu répondes. Non, j'ai dit que c'était terminé et on termine à combien maintenant? Non, mais il faut répondre non, avant. Non, moi j'ai dit non. Mais t'as pas fait ta conclusion. La conclusion est faite. Ah, c'était le truc de merde d'avant, ta conclusion. Oh bah putain, bah bravo, conclusion de merde. Hein. Même un enfant de 2 ans, c'est le mieux le faire. Ouais, bah c'est ça. Alors tu me donnes le chiffre. Le chiffre, Esteban. Oui, monsieur Gérard. Alors, terminé. Oui, Gérard, qu'est-ce qu'il y a? Oula, qu'est-ce que t'as fait, Gérard? T'as cassé ta montre? Il a cassé sa montre. Mais qu'est-ce que t'as fait, Gérard? Tu vas m'en repéter, tu vas m'en payer, toi, des montres. Qu'est-ce que j'ai fait? Je demande le chiffre internet pour terminer. Esteban! Une fois, deux fois, trois fois, demain t'as un rapport au cul. J'ai un rapport au cul. J'adore avoir des trucs au cul, mais pas des rapports. Le conclusion de le chiffre internet. Arrête, Gérard. Mais Gérard, arrête. Pourquoi tu frappes quelqu'un? Le chiffre. Arrête, Gérard. Gérard, assis-toi. Si tu me frappes, je te mets un marron dans ta gueule. Hein. Je te préviens, ça c'est clair. Le chiffre. Ouais, oh, Céline, c'est pas le bordel dans les studios. Bah de l'autre côté, tu reprends. Bon. Merci Esteban, tu vas pas me donner le chiffre, très bien. Donc conclusion, voilà, terminé. On va s'accouster les Master Boys. Oh, je sais plus, enfin bref. Mais j'ai même pas donné le chiffre. Bah alors, tu me donnes le chiffre. Bah on est repassé à 11 913. Ouais, c'est ça, ouais, je m'en fous. De manière, on a fini à 23. Bah fallait pas le demander, gueuler. On a terminé à 23 000, terminé. Bonne nuit à tous, bonnes vacances et surtout sortez couverts. Et donc, vous allez retrouver Evan pour la nuit. Et moi, je serai sur le site internet www.funradio.fr, sur le chat, bien sûr. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous. Bonjour, je suis une pucelle très connue. J'ai connu un homme. Il voulait coucher avec moi, mais moi, non. Avec lui, j'ai préféré rester vierge. Son odeur, son visage, son haleine de whisky, bon marché, ses poux, ses dents noires, sa façon de hurler « Ta gueule !» Tout me dégoûtait. Je suis pas une décharge pour les épaves. Ma chatte, c'est pas un vide ordure. Mais comme il était connu, animateur de radio, je me disais « Bon, il a peut-être de l'argent. » Même pas. Pas un rond. Même pas un euro pour s'acheter du savon. Bref. Je préfère rester pucelle et vierge plutôt que de coucher avec Gérard, un clochard. Et Lily, t'as fini? J'arrive.